celui d'un chantre agréable de l'Éternel. Du chant choral au Negro Spiritual Songs, ce chemin déjà long de 40 ans l'a conduit à se hisser au top des meilleurs chanteurs de gospel de son temps. Ce soir, l'histoire continue ici, au Casino de Paris. Place au gospel jubilé de notre artiste préféré, Marcel Bungou.